début ce soir de la Ligue Midget Régionale et de la grande finale de la Ligue Junior Régionale. Et pour en parler, ben, on parle avec le président Pierre Gay. Salut Pierre. Bonjour Danny. Pierre, c'est la première grande année à titre de président. On a fait une entrevue ensemble au mois de janvier. On a fait une autre quand ça a brassé pas mal. Mais cette année, c'est la première année que là, dans l'ensemble, c'est bien placé. Comment tu as trouvé du hockey de série chez maintenant les matchs que tu as vus là? Ben, on va dire présentement, dans les matchs de série qu'on a vus, on a eu du très beau hockey. Ça a été vraiment du beau hockey. Quand on a vu Robert Val contre Alma dans le quart de finale, où Robert Val a causé une certaine surprise en battant les Adelons d'Alma en quatre parties, mais on a eu quatre matchs très serrés. Puis Robert Val ont joué chez eux. Le dernier match, il y avait du monde pas mal. Contre Jonquière, c'est sûr qu'il ne fallait pas s'attendre que les Sabres rivalisent, surtout que sur semaine, les Sabres avaient un conjoint. S'ils avaient pu jouer tout le temps la fin de semaine, ben, je ne sais pas comment ça aurait fini. Ils n'auraient peut-être probablement pas gagné, mais ils auraient peut-être gagné une partie ou deux parce que le match qu'ils ont joué, il était 5 joueurs. Ça s'est fini 4-1, mais ça a été 2-1 pendant 30, 40, 50 minutes de jeu. Ils ont bien battu. J'étais bien content que la relève, que les organisateurs ont pris la relève, puis que Guillaume Gay ait pris ça en main, ben oui. A amené son équipe à bon port. Les joueurs ont aimé ça, donc c'est un bon plus pour nous autres. Je sais que les Sabres ont une réunion cette semaine. Ils ont déjà reconfirmé Guillaume Gay comme entraîneur pour l'an prochain. Ah, c'est bon ça? Ils ont déjà commencé à ramener des joueurs qui avaient perdu. Donc, je pense que l'organisation qui est en place travaille fort, puis l'année prochaine, ça sera pas comme cette année. OK. Donc, ce que tu peux me dire déjà, là, c'est qu'il y avait eu des rumeurs que les Sabres de Robertval s'étaient terminés, ont complété l'année, puis ainsi de suite. Ce que tu me confirmes, c'est pas vrai du tout. Les Sabres seront de retour. Moi, je te confirme que l'an prochain, il va y avoir Saint-Luc, peut-être ici. OK. Ouais, ben, si on est au courant, là. Ouais. Il y a la baie qui, normalement, qui devrait faire une demande, selon la fédération. Je l'ai rencontré à la fédération cette semaine. Ils nous ont dit que la baie était intéressée. On va attendre des choses. Mais nous autres, c'est sûr. Toi, tu parles du junior, toi, là. Tu parles du junior. Les trois équipes. Ouais. On parlait du junior. On glissera quelques mots immédiates. Le junior, parce que c'est toujours la grosse clé de la ligue, c'est le junior. Les autres, puis Robert Val sont bien confiants. Il y a les Adelons. Je sais qu'on va peut-être avoir du redécoupage de secteurs. C'est pas en tout. Mais il va y avoir des demandes de secteurs. Ça va être étudié par la fédération. Puis on verra. Bon, ça. D'autres, on veut garder 5 équipes. C'est pas une ligue à 4. Moi, quand j'ai pris ça, c'était 5 équipes. On va travailler pour avoir 5 équipes. Peut-être 6. Peut-être plus si on réussit à s'entendre, là, aux provinciaux. OK. Ben, justement, est-ce que c'est possible que, c'est une idée que je te lance de même, là, qu'il y ait des matchs interligues qui se passent, qui comptera au calendrier, faire changement un peu. Exemple, ça pourrait être une équipe de Latuc qui vienne jouer contre Robertval, parce que c'est pas loin, là. C'est 2h30 de route, les deux, là. Est-ce que c'est une possibilité, ça? Oui, tout est envisagé, Danny. On parle avec Charlevoix, on parle avec Latuc, on parle avec Rivière-Appalaches. Et les autres, Rivière-Appalaches, si ça fonctionne, ben, ça va être un calendrier, pas un calendrier mais ils viendraient jouer deux fois chez nous, on irait deux fois chez eux, et les quatre parties compteraient au classement cumulatif. OK. Ça, c'est dans les projets, ça. C'est un projet, ça. Ouais. C'est un projet qu'on va travailler beaucoup aux provinciaux dans trois semaines, parce qu'on les rencontre sur place. Okay. On a déjà une personne qui est attitrée, qui les a rencontrés. J'ai déjà parlé avec eux autres, ils sont très intéressés. Donc, il s'agit, nous autres, de les rencontrer, puis s'asseoir, puis dire, OK, on y va de Laval. Puis moi, je pense que nos équipes vont être d'accord avec ça. OK, OK. Fait que ce serait une belle nouvelle, là. Ça serait bien. À quelque part, ça amènerait du nouveauté. Tu sais, quand on parlait d'idées, là, ça en est des nouvelles idées, là, en fait, là, que tu as, là. Que t'as amené. Du côté du junior, je sais qu'il y a eu un article dans le quotidien. Moi, je donne une entrevue de la Ligue avec Guy à toutes les semaines. Également, il y a des entrevues avec au niveau midget aussi, à toutes les semaines aussi avec les équipes du Haut-du-Lac. Même Robert Val, Guillaume Guy aussi, il y a des entrevues régulièrement. Mais il reste du travail maintenant. Je sais que Michel Tifot fait également sa part, mais il reste du travail à faire peut-être avec le quotidien. Est-ce que ça, est-ce que vous allez vous assurer avec le quotidien pour avoir une belle... Je sais pas, dans le milieu de semaine, il n'y a pas grand-chose. Hein? Hey, tu m'enlèves l'eau de la bouche, Danny. C'est que on a rencontré, nous, pas moi, mais Danny, mon vice-président, a rencontré une personne qui, lui, enseigne à l'ATM à Longueuil. Okay. C'est lui qui a amené, le relationniste au Saguenay de Chicoutimi, il y a peut-être 7-8 ans. Il nous a rencontrés, puis il nous a dit que là, il y avait, qu'il était prêt à trouver des candidats pour qu'on ait un relationniste de son école à lui, un de ses élèves à lui. On aurait 3 candidats à rencontrer, là, il s'est dit qu'il allait choisir. Là, on aurait un relationniste qui serait à tous les semaines attitré à rencontrer les médias. OK. Donc là, pour nous autres, c'est un plus, puis c'est sûr qu'on va forcer de ce côté-là. Parce que en parlant, tu sais, Guy Saint-Lin, Guy a fait un excellent job pour nous autres. Et Guy, ben écoute, il s'occupe des SAG aussi, là. Et nous autres, on a été chanceux de l'avoir. Au début de l'année, il a fait le site web, il a fait ce qu'on est sur Facebook, c'est lui qui compile les statistiques. Fait que, tu sais, il avait son équipe en plus. Pour nous autres, Guy, ça a été un âme sauveur au début de l'année, parce que tu sais, comment ça a commencé. On a commencé assez brouhaha, là, avec tout ce qui... Ben oui, avec tout le désastre. Mais je veux dire qu'on a vu, on a fait une très belle année, puis présentement, tout mon comité, j'ai eu une réunion, un déjeuner samedi matin, toutes les personnes en place sont très contentes de les premières années, c'est une belle expérience qu'ils ont vécue, ils vont tous renouveler. Okay. Il y en a qui 3 qui vont aller au vote, et Danny, c'est ma trésorier, puis le directeur de représentant du Midget. Ces 3-là vont au vote. Je pense pas qu'il y ait de l'opposition. Il y a jamais d'opposition. Moi, j'étais là 7 ans avant. Il y a jamais d'opposition. Il y a une seule place qui pourrait avoir d'opposition. C'est Danny. Puis Danny, j'en ai besoin. C'est un bras douette. Je me dis qu'il fait une tabarouette de bel job. OK, OK. Dis-moi, parle-moi maintenant du côté des assistances. Est-ce qu'il y a moyen de monter ça? C'est sûr que c'est dur au Saguenay. Je te conterai pas d'histoire. C'est très difficile au Saguenay. Il y a tellement de hockey. Par contre, dans le Haut-du-Lac, le junior, c'est quand même fort à Normandin, c'est fort également. Roberval, ils n'ont jamais eu d'équipe gagnante, fait que ça aide pas non plus depuis qu'ils sont revenus, là. Mais est-ce que ça devrait, est-ce que du côté, il y a moyen d'améliorer ça, peut-être même au niveau du Saguenay, quoi? Oui, je pense que les équipes sont conscients. Alors, je continue cette année à la fin d'année, ils ont fait une porte ouverte aux jeunes joueurs portant les chandails, les sacs de leur criminel. Puis à Normandin, c'est toujours presque plein. Roberval, ben là, ils vont être dans le nouvel aréna, puis avec une équipe, d'après moi, qui devrait être potable, une très bonne équipe qui devrait lutter, ils vont certainement avoir du monde. Parce que le dernier match contre les Marquis, il y avait alentour de 250 personnes. Pour eux autres, c'était bon parce qu'ils jouaient à Mestaillage devant 20 personnes. Ouais. Fait qu'après ça, là, ils restent à Alma. Mais Alma, c'est toujours du pareil au même. Alma, tant que t'es pas dans les séries, c'est dur. T'as le midget, t'as le collégial. Alma, t'as le juvénile. Alma, c'est difficile dans le monde d'enquête. Mais il y a toujours un peu de monde. C'est sûr que les séries, ça amène du monde. Chicoutimi, Normandin, il y a eu du monde au plateau à la dernière match que Normandin a remporté. Et il devait avoir 300 personnes. À Normandin, c'est toujours 400, 500 samedi, là. On dit que les séries débutent ce soir à Longueuil, mais samedi à Normandin, hein. Si vous voulez aller à la game, essayez-vous d'arriver de bonne heure parce que ça va être bien plein. C'est le tournoi familial. Puis quand le tournoi familial est là, l'aréna est bondée à mode de bout, t'es même pas capable de t'asseoir. Ça va être intéressant pour les jeunes. Question de main que je me pose. Y aurait-tu moyen? C'est une question que je me pose, OK? Comme ça, là. Je réfléchis tout haut pour le Saguenay, là, pour. Y aurait-tu moyen de faire une synergie avec les Saguenay juniors? Vous portez le même logo, vous avez le même nom. Y aurait-tu moyen de faire de quoi? Je sais pas. Ouais, je te pose la question. Il y a 2 ans, les Saguenay invitaient une équipe de la Ligue tout le temps. OK. Mettons, une semaine, c'était une équipe de la Ligue qui allait, une autre semaine. Mais ils ont changé de direction. Là, je ne sais pas, moi, après ça, j'ai refait. Mais c'est sûr qu'on pourrait faire des démarches au point de vue des Saguenay, c'est une bonne idée. Et les Marquis, c'est la même chose avec les Marquis de Jonquin. Vous portez le même logo, vous avez le même nom. Fait que je me dis, pourquoi pas faire Les Marquis seniors. Oui. C'est vrai, c'est une idée qu'on n'a pas pensé. suis bien content que tu me l'aies dit, là, je le prends en note, là, puis nous autres, on va en jaser aux provinciaux. C'est des questions que c'est des idées que je lance en l'air comme ça. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire pour le midget? Es-tu content? Le midget, très content. On a eu une très belle saison de hockey. Ça a été. Ça a lutté jusqu'à la fin. Tu as eu trois équipes qui ont bataillé jusqu'à la fin, la dernière fin de semaine pour le championnat de Saint-Denis. On a eu trois autres équipes dans le milieu de peloton, puis on a eu deux autres équipes. Le début des quarts de finale, on a eu la plus belle surprise qu'on a jamais eue. Dolbo qui ont fini 8e ou 7e. On a battu les Marquis Jonquière qui ont fini 2e. Au classement, pour causer toute une surprise. Puis les séries ont été très serrées. Puis le plus bel exemple, c'est la semaine passée entre Chibougamau Zoriol, ça a été en 5 matchs, il y a eu 2 ou 3 matchs en prolongation, puis là, le 5e match à Chipogamo, c'est terminé à 15 secondes de la fin de la première prolongation. Okay. Donc, tu sais, on a des belles séries présentement. C'est sûr que là, t'as les deux plus belles places pour jouer au hockey. Chipogamo, c'est plein capacité quand tu vas là. Ah, ouais. Tu vas à Saint-Félicien, c'est plein capacité. Fait que là, les flots vont rouler dans les salles, combles, toutes les séries. Puis c'est une belle... Écoute, moi, cette année, j'ai pas fait d'entrevue avec les ambassadeurs, mais par contre... Ce que je peux savoir, ce que je peux dire, c'est que Chipogamo, ça a toujours bien marché le hockey. Fait que, puis à Saint-Félicien, ben, il y a 300-400 personnes. Fait que, puis même ici à Dolbeau, les Castors, ils ont livré une belle lutte au Marcos Pub. Là. C'était quand même quelque chose de... Je comprends. Tu sais, ça n'a pas été facile. Non, moi j'étais à deux games. J'étais même à la dernière game à Saint-Félicien quand on part du 3-1. Là. C'était 1-0 au Dolbeau, il restait 5 minutes de jeu. Là. Saint-Félicien a compté 2 buts rapides puis un dans le filet des airs, mais... Dolbeau, là, il m'a dit qu'il y a 2-3 bons joueurs. Il y a un défenseur, entre autres, un petit AC, là. Ouais, Jérémy. Ça va plus de 4 qu'un joueur. Ouais, effectivement. Il frappe dur, il est très intelligent, le hockey. OK. Il m'a dit que. Puis, ils ont un bon gardien de but. Tu sais, pour une équipe qui revient, ils reviennent. Les autres, ils avaient arrêté. C'est très surprenant. Dolbeau relève mon chapeau. Ils ont été surprenants. D'autres, on ne pensait jamais parce qu'au début, ça ne marchait pas. Ils bataillaient avec la B pour la dernière position. Ça a été en dernière game de l'année. J'ai fait des entrevues avec Robin Bouliane toute l'année, puis Robin, lui, ce qu'il voulait, c'était que l'équipe progresse. C'était ça. C'était pas grave avant les fêtes, mais que l'équipe progresse. Il avait très bien réussi. Fait que ça, dans l'ensemble, ça a quand même bien été. Je regarde ça, là, ça a bien été en tabarouette, là. Tu sais, dans le fond, là, la ligue se porte bien. Ça a pas été facile quand t'as pris ça. C'était un brouhaha, tu remplaces ça une icône. Mais finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça va bien. Non, ça va très bien. Puis, tu sais, là, l'air à Marcel est fini. Là, c'est l'air après Marcel. Mais nous, on continue. On s'en va de l'avant. C'est pour ça qu'on va amener beaucoup. Notre constitution va changer beaucoup aussi. Là. Les équipes nous commencent à nous respecter plus. Puis les équipes travaillent avec nous autres. Cette année, on a eu 2 comités de discipline dans toute la saison, ce qui est formidable. Les 2 comités de discipline, c'est dans les dernières games des demi-finales. Fait que, on peut pas demander mieux qu'une saison de main. Un comité de discipline qui a été tranquille, on n'a rien eu. Qu'est-ce qui resterait peut-être à améliorer, là, selon toi, là? Ben, moi, c'est. Publicité, sûrement. Du midget, il n'y a pas grand-chose. C'est la publicité, ça, c'est sûr. Toi, on va le trouver, mais avec, si on a notre jeune de l'ATM, okay. Il va nous traîner l'autre, c'est sûr que lui va nous amener des points, puis la publicité devrait remonter. Mais il faut la publicité, on a dans les journaux. Il faut qu'on aille à la radio. Les médias sociaux. Quand tu me dis, Pierre, je suis prêt à te donner un coup de main, tu as accepté que Guy te parle. On était contents, nous autres, ça nous a donné un bon coup de pouce. Puis moi, je connaissais bien Michel, fait que Guy parlait à Michel aussi. Et ça a aidé beaucoup. L'an prochain, on va avoir notre personne à nous autres, puis on va parler aux radios, puis on va être les médias sociaux, puis les médias. On va être partout, ouais. Ça, c'est officiel. Puis les médias sociaux aussi. Ben, Pierre, ouais. Félicitations. Je sais qu'il y a des beaux dossiers qui se travaillent, puis je ne t'ai pas si c'est quelque chose. Oui, c'est ça, Danny, que je t'oublierai pas, je te l'ai dit. Ouais. Dès que je crois que tu es le premier à savoir. Ben, merci beaucoup. Donc, voilà, c'était Pierre Gay, le président et directeur général de la Ligue JMS.